Je m'appelle Madame Le Maire René. Je suis née le 25 avril 1932 à Nordeaux, dans le Pas-de-Calais. Voilà, puis je suis là maintenant. Alors d'une année à une année, bon, on garde une année de plus. Tous les ans, on a une année de plus. Puis ça va. On prend le temps comme il vient. Et on laisse de côté ce qui vient pas. Alors ça peut aller comme ça. En plus, si vous voulez, je peux vous parler longtemps. Hein. On a des choses à se dire. J'ai travaillé à Lille, à Lambersart. Ben, c'était la filature. Alors, il y avait des machines, des longues machines, hein, je ne sais pas combien de mètres, quoi. Alors, d'un côté, il y avait une machine, puis de l'autre côté, il y avait une machine qui tournait le dos. Il y avait deux machines sur un métier. Sur un seul métier, il y avait deux machines qui tournaient. Une de ce côté-là et une de l'autre côté. J'ai travaillé à l'autobrasseur avant, à Lens, sur la place du Cantin. Il y avait une boutique là, qui faisait de l'autobrasseur. On faisait du houblon, de la bière. On préparait la bière. Alors on mettait du houblon, de la sucrerie, tout ce qu'il fallait dedans. On faisait des paquets, puis on les mettait. Puis le facteur il ramassait les machins, puis il portait à la poste. Tout ça, c'était vendu. C'était une discothèque, un café. Puis on travaillait. Vendredi, samedi, dimanche. J'avais mon café qui était devant, ah ben, rue de Bastille, à Avion. Entre le café et la salle, il y avait ma maison. Toute ma maison, mon appartement, tout ce qu'il fallait. Et pour aller dans ma discothèque, moi, j'étais pas obligé de passer par la rue pour entrer dans la discothèque. Moi, je rentrais à l'intérieur. Vous m'avez dit pour la discothèque à Avion, on dit, ah, t'es pas sur René, t'es pas sur la blonde. On m'appelait la blonde. Quand on disait la blonde, tout le monde savait qui c'était. Des fois, je me disais, je restais Madame le maire. Madame le maire, je connais pas Madame le maire. Madame la blonde. Ah, la blonde, oh, oui, oh, oui, ah, c'est René, ah, ouais, on y va. Allez, ça y est, puis c'était parti. Ouais. C'est comme ça qu'on se fait connaître, hein. J'ai vu ça à la télévision. Sinon, là, je l'ai vu à la télévision, hein, qu'il y avait une discothèque qui faisait ce que je voulais faire, le Palladium. Ça passait déjà à la télévision. Hein. Eh bien, j'ai copié sur eux. J'ai fait ce que j'ai vu, bien sûr, en moins gros, un gros truc, quoi. Moi, c'était un début, hein. Mais ça tournait bien. On a fait le vendredi avec une sono. C'était un disque jockey que j'avais. Toutes les chansons qui sortaient à la radio, il passait lui, tout de suite, il allait l'acheter aussi vite au marchand et il mettait à la scène. C'est, on l'avait entendu le mardi à la télévision, et le samedi, il l'avait acheté. C'était tous des morceaux de jeunes, il n'y avait pas, des morceaux pour les vieux, hein. C'était tout pour les jeunes. Toute la musique qui sortait à la radio, nous, on les avait. On l'a acheté tout de suite. Aussitôt qu'on attendait au poste à nouveau qui va chanter, des fois ils annonçaient à l'avance. Ben nous, on allait déjà à Lens, on allait au magasin, on achetait tout de suite le disque. Et il passait en premier lieu à la discothèque. Oui. Alors tout le monde se battait pour les avoir, hein, les musiciens, tous ceux qui avaient un orchestre, ils cherchaient à avoir les morceaux aussi. Hein. Alors j'avais des morceaux le vendredi, c'était pour les jeunes, et samedi, dimanche pour les vieux. En fait, des jeunes, ils venaient aussi. Hein, et puis après, le samedi, le dimanche, c'était des orchestres. On a commandé à longtemps à l'avance, hein, il fallait les noter dans nos cahiers, quand est-ce qu'ils venaient, telle date, à quelle heure. Et l'orchestre, c'est toujours le samedi et le dimanche. Ben, les connus, j'avais les Arios Musette, j'avais une Montagnière, qui est venue aussi jouer et chanter. Puis des autres que j'ai pas les noms comme ça en vue là, quoi. Les Sans Soucis, Didier et François, des connus, des inconnus. Le vendredi, c'était discothèque, c'était la sono. J'avais une sono, elle restait toujours installée sur la scène. Elle gênait personne, elle était sur le côté, on mettait sur le côté quand les orchestres venaient pour mettre leur instrument. Et puis tout marchait bien. Voilà. Bon, puis c'est un travail gai, c'est pas un travail dur, on n'a pas de force à faire. Ce qu'il y a, c'est bien la préparation. Me préparer ses disques, préparer ce qu'on va mettre, faire un choix qui suit, pas votre dabrouille, qu'on met n'importe quoi. Il faut régler son chez nous, comme on règle. Une télé, on règle, là, faut que ça soit, tout soit réglé, bien réglé. On a rendu début jusqu'à la fin. La musique pour l'après-midi, la musique pour le soir, et puis après de la musique pour la journée. Il fallait tout classer ça pour que ça soit ça quand on arrive, qu'on a juste qu'à appuyer sur un bouton, hop, ça se met en route. On n'a plus à toucher aux appareils, ni tout ça, ça se marre tout seul. Ça a été réglé pour, on l'a fait. Un qualifié pour ce métier, je ne sais pas comment on appelle ça. Et bien, c'est lui qui vient tout régler, il règle tous les disques qu'on doit mettre, tout ça, tout il est prêt, tout est prêt. Quand on arrive, on appuie sur un bouton, on veut telle chanson, telle vedette, tout ça, on appuie sur un bouton, clac, clac, hop, ça vient tout de suite. Tout est enregistré. Ouais, oh bah, c'est pas difficile, hein. Celui qui aime son métier, il fait comme il fait autre chose. Ouais. Ben, c'est-à-dire, à l'âge, je me souviens pas de l'âge que j'avais, mais j'avais peut-être 21 ans quand j'ai commencé. Commencé tout doucement. On n'était pas à son compte. D'abord, au début, on était sous-traitant, hein. Puis après, par la suite, j'ai pris l'affaire à mon compte. J'ai dit, si maintenant, il faut que je gagne du pognon, il faut que je le gagne pour moi, pas pour les autres. Puis j'ai travaillé comme ça. Bon, j'ai aimé mon métier, hein. Je l'ai aimé mon métier, oui. Maintenant, je suis en retraite, ben, je ne suis pas plus heureuse d'être en retraite que d'avoir travaillé. Boulot, c'est boulot. Vous verrez quand vous arrêtez. C'est dur. Là, on quitte son boulot, on quitte. On dirait qu'on se donne, on a fini, on n'est plus mort rien, quoi. Quand on quitte son travail. Bon, j'avais plus de 60 ans. Bon, oui, j'ai plus de 60 ans. J'ai pas entendu la retraite, hein, pour arrêter. Du fait que j'étais commercial. Donc, moi, je faisais ce que je voulais. J'ouvre à telle heure, je ferme à telle heure. Si je voulais changer d'heure, ben je faisais le dimanche d'avant. Je préparais que dimanche prochain, il y aura telle et telle chose qui vont changer. Il faut prévenir les clients, les gens, il faut prévenir tout le monde, les orchestres, les musiciens, et tout prévenir. Puis ça allait tout seul, ça allait bien. Bien travaillé. J'avais 18 ans que j'ai rencontré Lucien. C'était un mineur, il travaillait à la fosse. Puis on a eu des copains, puis des copains, puis après d'un copain, il est venu mon mari. Il m'a dit, ben lui ou bien un autre, c'est pas, ça sera toujours que j'ai rencontré quelqu'un. Il a toujours trouvé à la mine parce qu'à sa retraite. Il a arrêté quand il a eu l'âge de la retraite, il a arrêté de travailler. Mais à la discothèque, il n'aimait pas. Il n'aimait pas le monde. Alors je ne l'ai jamais forcé, puis ben, ça a été. Lui, il venait pas, ben, il restait à la maison, il était content, il regardait la télévision. Puis moi, je travaillais. Il met pas le bal, il met pas. Oh, je sais pas si vite court. J'ai divorcé. Après, je m'en suis plus occupé. Après, c'est sapin. Qu'on dit toujours sapin, ce n'est rien. C'est comme ça. Et puis, ça a été. J'ai commencé avec rien. Mais j'ai fini avec tout. J'aurais tout fait dans ma vie. Tout fait en bien. C'est déjà bien. Une belle chose. Ouais. Le plus dur, c'est pas d'arriver, hein. Le plus dur, c'est de quitter. Quand tu dis on s'en va, on arrête. Là, c'est dur. Plus de musique, plus de musicien, plus rien, plus. Tout est bâclé, comme on dit. Ça me manque, et puis bon, petit à petit, on arrive à s'y faire, hein. Il faut, mais on sait que c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. C'est pas terminé pour une journée, hein. C'est terminé pour toujours. Oui. Et on dansait la Java. La Java bleue. C'est la Java bleue, la Java la plus belle. Celle qui en sur celle. Et que l'on danse le plus tard du jour. Au rythme joyeux. Quand les cœurs se confondent. Comme elle au monde, il n'y en a pas deux. Il est au bal, musette, un air en plus de douceur. Qui fait tourner les têtes, il fait chavirer les cœurs. Tandis qu'on dit à petits pas, serrant celui qu'on aime dans ses bras, en lui disant tout bas, un air d'accordéon, c'est la Java bleue. Comme elle au monde, il n'y en a pas deux.